Lettre 110e, Théophanie à Junia Marcella, Nicomédie, juin 305. Je veux essayer de t'écrire. Hier, cela ne m'eût pas été possible. Je n'aurais pu prendre sur moi de tracer ces mots. Agathoclès doit mourir. Je n'ajouterai rien de plus. Agathoclès est condamné à la mort et moi, je le suis à la vie. Tu sais à présent toute l'étendue de mon malheur. Ceux qui m'entourent craignent que ma raison ne s'égare, je le vois bien. Mais hélas, ce bienfait ne m'est pas plus réservé que la mort. Je dois vivre, je dois sentir toute l'horreur de ma destinée. Il le veut, que me reste-t-il à faire que de lui obéir? Mourir pour ce qu'on aime, avec ce qu'on aime. Ah, qui pourrait nommer grandeur d'âme ce qui coûte aussi peu de peine? Ce n'est rien, un instant douloureux, suivi d'une félicité éternelle, mais vivre sans lui? Oh, tu peux m'en croire, Junia, c'est l'effort le plus pénible qu'on puisse exiger de l'amour. Mes enfants ont besoin de leur mère, me dit-on. Ah, c'est de leur père dont ils avaient besoin. Que pourra pour eux leur faible et malheureuse mère? L'un n'a pas encore commencé la vie. Il verra le jour peut-être, au moment où les yeux de son père se fermeront pour jamais. Né sous de tels auspices, quel sera son destin? L'autre bégaye à peine le nom de père et ne le prononcera plus, car il va perdre celui qui voulait le guider. Oh, si Dieu, dans sa bonté, avait voulu nous réunir tous dans son sein au même instant, si nous pouvions lui dire « Nous voici avec les enfants que tu nous avais donnés. Bonheur suprême !» Mais non, Dieu rejette un désir téméraire, non point ce que je veux, mais ce que tu veux, ô mon Dieu, donne-moi la force dont j'ai besoin. Il m'accorde déjà des amis aussi bons, bien sensibles. Tiridate témoigne à celui que je vais perdre les sentiments de la plus tendre amitié. Calpurnie est toujours près de moi, je leur dois beaucoup, mais peuvent-ils me donner des consolations? Non, Dieu seul le peut, et le fera sans doute. À présent, tout mon être n'est que malheur. Telles doivent être les sensations qu'on éprouve au moment de la mort, lorsque les liens les plus tendres se brisent, et que notre âme est sur le point de quitter son enveloppe. Agathoclès était mon âme et ma vie, il me quitte, et je ne suis plus rien. Mes pensées, mes facultés, tout est renfermé dans ce seul mot, il va mourir. Je suis incapable de t'écrire aujourd'hui pourquoi il meurt, et par quel motif sublime il a sacrifié le bonheur de notre vie. Je ne voudrais pas même le confier à une lettre. Calpurnie et Tiridate croient qu'il s'est sacrifié pour Constantin, et le monde pense de même. Mais il a eu un autre but, bien plus beau, bien plus grand, que tu devineras peut-être. Et malgré les mots horribles qui m'accablent, je dois louer et respecter sa conduite. Il m'a écrit. Cette lettre ne quittera jamais mon cœur. J'ai fait tous mes efforts pour lui répondre et pour le récompenser de son amour pour moi et de son dévouement héroïque. J'ai comprimé tous mes sentiments douloureux. Aucune plainte ne m'est échappée. Mais Junia, il fallait ensuite t'ouvrir entièrement ce cœur si déchiré. Oh, si seulement il est content de moi, si l'idée qu'il m'a tranquillisé peut lui donner du calme, si j'ai pu parvenir à adoucir ces derniers moments. Oh, Dieu Tout-Puissant, les derniers moments d'Agathoclès. Il est si jeune, il était si heureux, si plein de vie et d'espérance. Nous avions en perspective un avenir si doux et si long. Il nous en a privés, et je n'ose m'en plaindre. Adieu, ma Junia, adieu. Oh, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Que n'ai-je, dans ces affreux moments, une amie animée des mêmes sentiments, priant avec moi le même Dieu? Calpurnie est d'une bonté touchante. Je l'aime tendrement. Je sens tout ce qu'elle fait pour moi. Mais elle n'est pas chrétienne, et elle est reine. Rien de sa part ne me le rappelle, mais je le sais. Et l'amitié demande une égalité qui n'est plus entre nous. J'ai appris hier qu'Apelles est dans les environs. Il doit être à Nicée. Tiridate, qui prend un véritable intérêt à la femme de son cher Agathoclès, vient de lui envoyer un messager. Ah, si Apelles venait me soutenir, fortifier mon âme, si je lui devais peut-être une plus grande consolation, la seule que je sois capable de sentir, combien je serais reconnaissante de ce bienfait et de l'amitié de Tiridate. Conserve-moi la tienne, Junia. Bientôt ce sera, avec mes enfants, tout ce qui restera sur la terre à la pauvre Théophanie.